Je suis de la stratégie debout depuis le début. En fait, on connaît effectivement Sébastien et la commission SDF debout qui travaille de façon formidable sur cette place pour faire les questions de la misère. Quand on nous a parlé à la commission éducation populaire de cette question, moi j'ai dit ça serait intéressant d'arriver à lier la question de l'écologie à la question de la pauvreté et de la misère. C'est pas évident parce que souvent l'écologie des riches. Finalement, quand on pense à l'écologie, on pense à aux œufs bio qu'on va prendre en Vélib. On considère que finalement l'écologie c'est pour les bobos, etc. Et on considère que aussi l'écologie, elle produit des taxes qui vont encore à l'encontre des plus pauvres. Mais pour moi et pour la commission Écologie Debout, l'écologie c'est d'abord une écologie en fait des pauvres. C'est une écologie de survie et une écologie qui doit répondre à un certain nombre de questions comme le combat pour l'écologie ou l'environnement consiste-t-il à prendre des mesures pour protéger les hommes contre la pauvreté ou l'environnement contre les pauvres? Le combat pour l'environnement ne risque-t-il pas de devenir un combat contre les pauvres? Peut-on donner sens à un monde où personne ne soit indifférent au lien entre l'homme et la nature, entre les ressources et la consommation, entre les pauvres et la société? Et c'est ce que je voudrais en fait démontrer. Les pauvres et la nature sont intimement liés depuis le début. Les pauvres ne sont pas un problème, mais la solution pour une écologie qui s'affirmerait comme un des axes de la convergence des luttes pour une transformation de la société. Alors d'abord, de quoi on parle quand on parle de la pauvreté? Selon le programme des Nations Unies pour le développement, une personne vit dans la pauvreté extrême si elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels, habituellement définis sur la base de besoins caloriques minimaux. Sur cette base, même si sa définition peut être contestée, l'écologie devrait, sur la simple base de l'autosuffisance alimentaire, par exemple, converger avec les pauvres. Or, ce n'est pas le cas. Quand on mesure aujourd'hui la pauvreté, enfin la misère plutôt, Je reviendrai tout à l'heure sur la différence entre pauvreté et misère, parce que ça me semble essentiel. Eh bien, il y a plus d'un milliard, fin 2015, d'individus qui vivent toujours avec moins de 1,90 dollars par jour, c'est-à-dire sous le seuil d'extrême pauvreté. Le nombre de personnes vivant sous ce seuil d'extrême pauvreté sont différents selon les pays, parce que les instruments de mesure sont différents. Mais en fait, aujourd'hui, par exemple, on nous dit que la pauvreté est en recul dans le monde, mais ATD Quart Monde nous dit, par exemple, que pour elle, il y a 2,8 milliards de personnes. Donc, les instruments de mesure ne sont pas complètement fiables. Il y a 448 millions d'enfants qui souffrent d'insuffisance pondérale. Il y a 876 millions d'adultes qui sont analphabètes, dont 2/3 sont des femmes. Chaque jour, 30 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies qui auraient pu être évitées. Plus d'un milliard de personnes n'ont pas d'accès à de l'eau salubre. Et si on prend maintenant la mesure en France, la France compte entre près de 8,8 millions de pauvres, selon la définition adoptée. Entre 2004 et 2014, le nombre de personnes concernées a augmenté d'un million au seuil de 50% du revenu médian. Sous l'effet notamment de la progression du chômage. La pauvreté ne recule plus. Si le nombre de pauvres stagne, leur situation financière s'aggrave et les travailleurs pauvres sont désormais 1,5 million. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus de 12% de la population française qui peut être considérée comme pauvre. Il s'agit là de l'ensemble des individus qui vivent dans un ménage dont le revenu est inférieur à 817 euros par mois en 2005 pour seul. Donc c'est pas n'importe quoi la pauvreté, c'est des chiffres réels et c'est aujourd'hui un phénomène de Pardon. Sur la question de l'écologie, la plus précisément, et des pauvres. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviens parce que c'est important. L'écologie et des pauvres sont a priori des notions contradictoires. L'écologie, de fait, souvent apparaît comme un moyen supplémentaire de stigmatiser les pauvres. De fait, c'est une pratique de riches qui exclut les pauvres. Mais cette stigmatisation, en fait, des pauvres par des moyens X ou Y a toujours existé. Au 19e siècle, au début de la révolution industrielle, les pauvres étaient considérés comme de nouveaux barbares. On l'appelait la végétation immonde, les basses classes, les classes dangereuses. S'ils étaient considérés par les écrivains ou même des médecins hygiénistes comme les mal nourris, sans dents. Les sans dents, c'est pas une expression inventée par François Hollande. Elle est présente déjà au 19e siècle. C'était surtout par leur faute que les pauvres étaient pauvres. Les causes de la pauvreté, dès le 19e siècle, sont caractérisées pour les intellectuels de l'époque par la paresse, l'inconduite, les maladies, les infirmités. Et ils sont entretenus par l'alcoolisme, l'ivrognerie, le jeu, le goût du luxe et le manque d'ordre et de prévoyance, et évidemment l'esprit de révolte. Et tous ceux qui seront contre la commune reprendront les qualificatifs qui ont été pris contre les pauvres, contre les révoltés de la commune, qu'ils soient d'ailleurs plus pauvres ou moins pauvres. Et aujourd'hui, ça continue. C'est ce que nous disent les rapports des préfets, de l'Église, les écrivains du 19e siècle, mais aujourd'hui c'est pareil. Non seulement on tient souvent les plus pauvres pour coupables de dégrader l'environnement, mais ils sont eux-mêmes souvent traités comme des souillures, dans le but de préserver une belle image de la ville. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles les familles sont repoussées de plus en plus loin dans les banlieues. C'est qu'il faut nettoyer la ville de sa pauvreté. Et c'est intéressant, tout à l'heure on parlait des médias, eh bien il faut rendre, et ça a toujours été une stratégie de la bourgeoisie, il faut rendre les pauvres invisibles. Et pour cela, on va faire au 19e siècle tous les boulevards haussmanniens, on va jeter dans les quartiers populaires les pauvres qui étaient au centre des villes, et puis maintenant, depuis 30-40 ans, eh bien on les met en grande banlieue. Je crois que quand... sur la question de d'ailleurs, les premiers écologistes urbains, entre guillemets, c'est intéressant de voir, sont les médecins hygiénistes. C'est-à-dire, c'était une catégorie de gens relativement paternalistes qui voulaient sauver les pauvres malgré eux, mais sans eux. C'est-à-dire, alors ils ont commencé à faire de l'écologie urbaine et ils ont inventé des choses intéressantes d'ailleurs. Par exemple, l'assainissement est venu de ces réformistes écologistes de la première heure que sont les hygiénistes qui ont inventé la lutte contre les égouts, etc., etc. Et ça a été une première étape, d'une certaine façon, de l'écologie urbaine. Mais cette étape s'est faite sans les pauvres et quelque part souvent contre les pauvres. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu reconnaître les pauvres comme une catégorie sociale à part entière. Il y a un autre aspect qui est lié à la question de l'écologie, c'est la question des inégalités environnementales qui aujourd'hui s'accumulent plus que jamais avec les inégalités sociales et touchent d'abord les plus pauvres. Déchets, produits toxiques, air pollué. Ceux qui sont morts, par exemple, de l'amiante, et il y en a eu 100 000 depuis plus de 20 ans, et ceux qui meurent encore aujourd'hui du saturnisme, par exemple, qui est la maladie du plomb, sont d'abord concentrés dans les quartiers populaires et confrontés en même temps aux problèmes de chômage et de précarité. Les sites classés, par exemple, dits sévères, c'est-à-dire les usines pourries de toxiques chimiques, etc., sont installés dans des villes dont les habitants ont les revenus les plus faibles. Les incinérateurs de déchets sont installés à proximité de populations vulnérables. Le bruit est lié lui aussi aux endroits où la population est la plus défavorisée, comme le montre une étude publiée en 2014 dans l'Île-de-France. Les professions sont aussi un critère déterminant pour les maladies professionnelles. Il y a 7 ans d'espérance de vie en moins pour les ouvriers par rapport au cadre. Le nettoyage, l'agriculture, la chimie sont les plus exposés et produisent de nombreux cancers. Les pathologies liées à l'alimentation, comme le diabète et l'obésité, touchent les plus pauvres qui n'ont pas les mêmes choix en termes de consommation. En France, on a longtemps dissimulé le lien entre ces inégalités sociales et environnementales, car on a appréhendé l'environnement ou l'écologie d'un point de vue à la fois techniciste et comme une valeur universelle qui serait détachée de toute considération de classe. Et donc, les écologistes ont fait comme s'il n'y avait pas de pauvres et de riches. Pas tous, mais une grande partie du mouvement environnemental. La pauvreté, c'est aussi l'inégalité d'accès aux ressources naturelles. 8 millions de personnes en France, par exemple, vivent dans la précarité énergétique. Mais dans le monde, ce sont des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'alimentation. La faim atteint 800 millions de personnes dans le monde. Et je l'ai dit tout à l'heure, 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. C'est ce que moi j'appelle un effet direct de la pauvreté modernisée par le capitalisme. L'importation de produits alimentaires au détriment des agricultures paysannes, de produits manufacturés, au détriment des industries techniques ou autres, a appauvri d'une façon très forte la population d'Afrique, par exemple. J'en viens aussi à une autre idée. Il y a une idée fausse qui traîne et qui stigmatise les pauvres du point de vue de l'écologie, c'est que les pauvres seraient moins écolos que les riches. Or, du point de vue de la seule consommation en CO2, qui est le critère objectif vis-à-vis du climat, c'est faux. Le pauvre consomme beaucoup moins que le riche, tout simplement parce que sa consommation est d'une autre nature. Le pauvre ne prend pas l'avion, il a moins de voitures, il a une occupation de l'espace en famille, souvent plus nombreuse, etc. Et y compris l'alimentation, les riches vont beaucoup plus au restaurant, par définition, que les pauvres. Donc l'idée que les pauvres seraient moins écolos que les riches est une idée idiote et fausse. Pour les écologistes, il y a deux visions de la pauvreté. La pauvreté et la misère. Et on distingue bien la question de ces deux-là. La pauvreté est une notion qui est absolument relative. Elle a plusieurs définitions. Je vais essayer d'insister sur ce point-là. Cette distinction, elle est fondamentale aujourd'hui, car les pauvres, quels qu'ils sont des invisibles dans le paysage actuel. On ne veut pas les voir pour ce qu'ils sont. Or, la misère est différente de la pauvreté. La pauvreté, je le dis, n'est pas la misère. La pauvreté se définit classiquement comme la paupérisation ou l'indigence. Cette notion évoque immédiatement celle de subsistance. L'indigent est celui qui n'a pas ou détient tout juste les moyens de survivre et de faire survivre ceux qui dépendent de lui. Cette définition fixe la limite de la pauvreté au minimum nécessaire pour maintenir la condition physique. Majid Rahena, qui a fait un ouvrage formidable que je vous conseille, qui s'appelle « La puissance des pauvres », différencie la misère de la pauvreté. Cette dernière ne peut être considérée que dans son contexte historique et dans ses formes spécifiques au plan culturel. De fait, dans la plupart des cultures, le pauvre est tout simplement l'homme commun, l'humble, dont le nombre constitue le commun des mortels et sa condition, la pauvreté, est indissociable d'un mode de vie, d'un art de vivre et de faire. Et d'une certaine façon, quand Sébastien dit « Eh bien moi, je suis relativement content » psychologiquement et moralement, de vivre dans la pauvreté, eh bien, je le comprends très fortement. La pauvreté est d'abord un état d'être lié à la production de subsistance qui implique une vulnérabilité aux catastrophes naturelles, mais une relative autonomie au regard du marché. Et c'est ce qui différencie d'ailleurs les époques de moyenâgeuse de l'époque moderne. C'est dans l'époque moderne qu'on a inventé cette sorte de pauvreté modernisée qui est la misère extrême et notamment dans les villes et qui maintenant atteint aussi les campagnes. Parce que la misère relève d'une dimension quantitative. Il y a d'une part la misère matérielle, la non-satisfaction des besoins essentiels physiques et matériels, tels que se loger, se nourrir, se soigner, lorsqu'un individu ne parvient pas à satisfaire ses besoins essentiels. Et la misère moderne, qui est aussi ou qu'on peut appeler aussi, comme Ivan Illich, qui était un des fondateurs de l'écologie politique, une misère matérielle, réelle, doublée d'une illusion construite par la société marchandisée. Et la pauvreté modernisée est donc se définit comme issue d'une société qui promet l'abondance mais accroît les raretés. Cela engendre de nouvelles frustrations et de nouveaux objets de désir. Et lorsque le pauvre moderne parvient peu à peu à subvenir à ses besoins, cette situation est mal vécue pour des raisons psychosociologiques. La pauvreté, elle, relève quant à elle, et c'est tout le contraire, de la dimension qualitative. Ainsi, dans une situation de simple satisfaction des besoins essentiels, physiologiques et matériels, le miséreux vivra mal cette situation, tandis que le pauvre peut accepter cette situation et bien la vivre dans le cadre d'une société heureuse. C'est donc une différence de nature qualitative. De tout temps, il y a eu des pauvres, mais la pauvreté était définie comme un manque et pouvait s'appliquer aussi aux riches. Par exemple, on peut dire, ça va vous choquer, mais Donald Trump est un pauvre mec car il a un manque d'empathie envers les pauvres, les immigrés et les handicapés, les femmes. Cela veut dire qu'il a un manque d'humanité et donc qu'il est plus pauvre que les vrais pauvres. C'est un pauvre mec. Les écologistes font une distinction donc entre cette misère, d'une part, ce qu'on appelle la pauvreté conviviale et volontaire, qui fait la promotion de la frugalité, d'un mode de vie simple et de bon sens, c'est-à-dire que ce qui est nécessaire est suffisant pour bien vivre. À la différence de la misère, la pauvreté volontaire se base sur un choix délibéré et la quête d'une richesse plus libératrice de toute dépendance matérielle superflue. Elle exclut les plaisirs qui dégradent la relation personnelle aux autres et à soi-même. Donc la pauvreté est souvent perçue de nos jours comme un fait négatif, alors que cela n'a pas toujours été ainsi. Depuis François d'Assise, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Gandhi, il y a eu une notion de pauvreté qui était une notion de vraie richesse. Et aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, la notion de simplicité volontaire s'est tout à fait développée. On pourra y revenir tout à l'heure. Après, je pense que moi, je défends l'idée d'une écologie des pauvres, une écologie de libération. Il y a entre la charité... une politique décroissante libérale, je crois qu'il existe une troisième voie. C'est celle qui peut être qualifiée de mouvement pour la justice environnementale, d'écologie des pauvres ou d'écologie de libération. Et je pense que cette écologie-là se différencie tout à fait de l'écologie qui existe aujourd'hui, qui est une écologie... du développement durable, qui est une écologie finalement de l'économie verte, etc., et qui ne change rien à la condition des pauvres. Alors, que faire pour lutter d'un point de vue écologiste contre la misère? D'abord, pour les droits fondamentaux, la question du droit au revenu minimum d'existence universelle, et là, l'ensemble des écologistes sont là-dessus. Sont pour ça, et je pense que sur la place de la République, on a beaucoup parlé de la question du revenu de base, et je pense que ça devrait faire partie d'un, si un jour Nuit Debout se dotait d'un programme, d'un élément important, mais c'est aussi, et je pense que Sébastien et les intervenants en ont parlé de façon beaucoup plus forte que moi, c'est lutter pour le droit au logement, à la santé, à l'éducation, à un environnement sain, et à la culture, au transport gratuit, c'est lutter contre la précarité énergétique, c'est lutter aussi pour une convergence entre les pauvres, les salariés intégrés et les travailleurs précaires. À Nuit Debout, on a toujours été pour la convergence, et bien à un moment donné, il faut que les gens du commun, quel que soit leur niveau de revenu, arrivent à s'unir. Et que, d'une certaine façon, on l'a bien vu avec la loi travail. La loi travail, elle renforçait la précarité pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qui ont aujourd'hui un boulot, mais ceux qui sont complètement dans le précariat. Y compris ici, beaucoup de jeunes qui travaillent un moment, après ne vont plus travailler, etc. Mais ont des problèmes de logement, des problèmes de santé, etc. Il y a aussi la question pour la gratuité. Et je pense que ça, c'est un objectif important. De plus en plus, avec le capitalisme, on tout paye. Or, je pense qu'il faut remettre au centre la question de la lutte pour la gratuité et les espaces du commun qui soient gratuits au niveau local. Un autre objectif, c'est le changement d'indicateur économique. Le produit intérieur brut ne mesure que les critères de richesse produite. Or, il faut aujourd'hui introduire d'autres indices, comme l'indice de développement humain, le bonheur national brut, ou d'autres qui ont déjà été conçus et qui s'opposent à la mesure du PIB comme uniquement facteur d'indication de la richesse ou de la pauvreté d'une société. Mais il faut aussi, et je pense que là, c'est ce qu'on est en train de faire, il faut changer notre regard sur les pauvres, les considérer non comme des miséreux, mais comme des camarades de lutte, partenaires de combat contre la misère. Et pour cela, valoriser la culture des pauvres. Une écologie émancipatrice doit impérativement être ancrée dans la culture des pauvres. Selon Majid Rahka, dont je citais le livre La puissance des pauvres, il faut régénérer les savoirs multiples et divers des plus pauvres, des classes populaires et des cultures traditionnelles. Il faut ensuite coordonner les savoirs affichés de l'économie formelle à ces savoirs modestes, locaux et multiples qui permettent aux gens de subsister là où ils sont, de ce que leur offre leur lieu propre. Et là, je peux donner un certain nombre d'exemples, parce que ces cultures s'enracinent dans des pratiques écologistes concrètes. Par exemple, la consommation majoritairement végétarienne, plutôt que de la viande repas. Les transports en commun, plutôt la force de traction animale, notamment dans les pays du Sud, plutôt que le tracteur. La réparation, plutôt que de jeter après usage. Et par exemple, la question du recyclage, de la récupération, c'est venu d'abord des pauvres, des gens qui se battent pour leur dignité. Une solution tout à fait écologiste, se battent pour le recyclage. Et la réparation n'a pas été inventée par les bobos, il a été inventé d'abord par les pauvres, et souvent d'ailleurs qui se sont constitués dans des pays comme le Brésil en organisation pour récupérer les objets qui étaient complètement liés à l'obsolescence programmée. La maîtrise aussi de technologies simples plutôt que de dépendance à une technologie de pointe. La solidarité familiale plutôt que l'individualisme égoïste. L'entraide familiale ou amicale plutôt que le paiement de prestataires privés. L'autoconstruction de son habitation plutôt que la construction par une entreprise extérieure, le prêt plutôt que l'achat, compter chaque sou par nécessité plutôt que de dépenser à tout va sans limite, vivre humblement avec peu plutôt que de chercher à travailler plus pour gagner plus, produire pour sa subsistance plutôt que pour que le productivisme visant une accumulation sans fin. Et par exemple, les jardins familiaux et ouvriers plutôt que le rayon du supermarché. Et on voit que de plus en plus, dans des villes comme Détroit, par exemple, qui ont été touchées par la désindustrialisation, les pauvres ont commencé à produire leur alimentation au centre des villes en récupérant des grands espaces qui avaient été laissés par les friches industrielles. Et par exemple, le mouvement des incroyables comestibles fait référence aux lieux publics improbables, comme les jardins publics, les pelouses d'hôpitaux, etc., où sont plantés fruits et légumes mis à la disposition des habitants. Donc, si on a à ancrer notre écologie dans une écologie des pauvres, dans une pratique et dans une culture des pauvres, à mon avis, on arrivera à construire une convergence et une convergence entre l'écologie et les pauvres qui serait une des solutions politiques à la crise aujourd'hui du système. Et pour finir, je voudrais indiqué que il y a un certain nombre de pays qui ont mis la question de la pauvreté comme projet de vie et comme projet politique. C'est notamment ceux qui prônent en Amérique du Sud le bien vivre. Voilà. Le buen vivir, c'est un concept qui est d'abord porté par les mouvements indigènes et écologistes en Équateur, et ensuite par et aussi par les mouvements en Bolivie, qu'on retrouve dans l'article 8 de la Constitution, qui établit que l'État assume et promeut comme étant les principes éthico-moraux de la société plurielle. Le bien-vivre doit s'accorder à la priorité à la vie, c'est savoir se nourrir, savoir combiner la nourriture adaptée aux saisons, c'est accepter les différences, c'est savoir travailler, mais ce n'est pas vivre mieux au plan quantitatif, comme dans le cadre du paradigme productiviste. Et ça, c'est quelque chose qui traverse les mouvements indigènes en Amérique latine de façon extrêmement forte. Et là aussi, ça pourrait être intéressant de réfléchir à Nuit Debout sur qu'est-ce que c'est que ça pourrait être un projet de société fondé sur l'écologie des pauvres et le bien vivre. Merci, et puis on pourrait peut-être continuer à discuter. J'ai fait ça, je suis pas un expert, hein, je suis pas un sociologue ou je sais pas quoi, je suis un militant qui a essayé de travailler à partir de l'expérience qu'on a eue à Nuit Debout sur la question de l'écologie et du manifeste qu'on a fait d'ailleurs à Écologie Debout. Voilà. Merci de ton intervention. On va passer au questionnement. Ulysse, tu es le premier à venir me voir tout à l'heure. Viens pour parler. Tu es le premier, donc... Bon, je reviens sur les salaires de base. Et écologie et économie hein, aussi, hein, puisque elles sont extrêmement proches. Et c'est la déviation de l'écologie, de l'économie, qui donne raison à l'écologie. Mais en principe, ils ont presque la même racine et concernent le même domaine, disons. Hein. Et les problèmes de l'écologie et le problème lié surtout au modernisme et aussi à une façon de considérer la réalité et l'avenir. Concernant les salaires de base, je ne suis pas du tout d'accord dans le sens qui montre une vision économique de la réalité humaine qui dépend de l'argent et non pas de ses ressources. L'être humain, il a des ressources et parmi ces ressources, c'est la capacité de résoudre les problèmes et l'autonomie. Les ressources dans la difficulté, valoriser la difficulté pour trouver les solutions. Ça, c'est depuis la nuit des temps, disons. Et avec les salaires de base, qui à mon avis a un aspect cadeau du système, qui peut se retourner contre celui qui les perçoit, puisqu'il est déconnecté un peu de la réalité, et il va être peut-être dans l'esclavage. Je ne l'exclus pas, je ne vais pas les confirmer, je ne vais pas les prévoir, mais c'est une situation qui est un rapport de dépendance. Par contre, que l'être humain soit mis par la société en condition de vivre par ses moyens, c'est autre chose. Maintenant qu'on change complètement des sociétés, un système où l'argent est réduit à un moyen d'échange et c'est tout, Ça peut être, mais encore. Il y a ceux qui ont l'argent qui donnent à ceux qui n'ont pas. Et donc il y a un rapport de dépendance. Voilà. Et il faut se méfier, puisque par expérience, je sais que chaque fois que les syndicats ont demandé des moyens, hein, et même surtout dans l'enseignement, les moyens, j'ai dit à mes collègues, vous les aurez, mais attention, ils ont tout intérêt à vous les donner parce que vous demanderez toujours plus. Plus d'ordinateurs, plus d'air, plus de ceci, plus de cela, et on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire la pédagogie. La pédagogie ne coûte rien. Je faisais l'exemple de si je suis dans le désert, et là c'est très écologique, dans le désert, sans des moyens techniques, hein, ce que j'aurais besoin, c'est plutôt des élèves. Hein, parce que je peux écrire par terre, dans le sable, ce que j'ai expliqué, et je n'aurais pas besoin de moyens. Un moyen, c'est toujours dangereux, et l'écologie, c'est aussi la multiplication des moyens qui éloignent l'homme de la nature. Un moyen, c'est un intermédiaire entre la main et l'objectif. Et plus il y a des moyens, et plus on s'éloigne du concret. Et plus on s'éloigne du concret, plus on s'éloigne de la terre. Et plus on s'éloigne de la terre, et plus on devient esclave de la technologie, de ceux qui possèdent les moyens pour fabriquer la technologie, pour la faire à leur sens. Et il y a une menace d'automatisme qui détruit tout l'effort de l'écologie. On est sur une voie d'automatisme qui se met en place, et là je ne suis pas complotiste, je vis comme vous tous dans la société, et je vois les terrains qui gagnent l'automatisme. La voiture sans chauffeur, la voiture bientôt sans voyageur, et il y aura que les bagages qui voyagent. Voilà. Bon, alors... Si on veut être vraiment écologique, il faut aussi ce retour à la nature, concret, pas seulement idéologique. Merci. Alors, ceux qui veulent prendre la parole, vous me faites un signe de main, j'arrive vers vous pour les tours de parole. Moi, je voudrais parler d'une autre chose à propos d'écologie en général, mais surtout de la misère. C'est un peu comme pour le cancer, tant qu'il fait vivre plus de monde que ce qu'il en fait mourir, on s'en débarrassera pas. Et la pollution, ça fait vivre beaucoup de monde. Et la pauvreté, ça fait vivre les travailleurs sociaux, ça fait vivre les CRS, ça fait vivre les médias, etc., etc. C'est-à-dire, s'il y avait plus de pauvres demain, il y a 50% des Français qui seraient au chômage. Alors comment on fait ? Je trouve que ta question est très importante, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour reprendre tes mots, la pollution, ça fait vivre énormément de monde. Hein, et en plus, ça concentre le capitalisme d'une façon incroyable. La fusion entre l'entreprise Bayer et l'entreprise Monsanto, qui va produire des pesticides, en beaucoup plus grand nombre, qui va produire donc des cancers chez les paysans et chez les urbains, et qui va renforcer la production d'OGM, etc., est un acte criminel. Et donc, ça fait effectivement vivre les actionnaires de ces deux entreprises d'une façon incroyable. Et donc, il y a beaucoup de gens, de fait, qui en vivent. Et on pourrait multiplier les exemples, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui la misère c'est un moyen, comme la pollution, comme toute une série de risques environnementaux, d'enrichir certains et d'appauvrir d'autres. Et je suis tout à fait d'accord sur tout à l'heure la question de. Je pense que je suis d'accord. L'écologie est extrêmement liée aujourd'hui. Pas l'écologie, mais la pauvreté, pardon, est très liée au modernisme. J'ai essayé de l'expliquer de mon point de vue, et je suis d'accord que, par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que la question du salaire de base, c'est un salaire inconditionnel et un revenu de base pour tout le monde. Donc c'est pas les uns qui payent pour les autres, c'est toute l'économie qui doit payer pour faire que on extrait au moins les gens de la misère. Après, on peut débattre du niveau de revenus. Pour moi, on peut pas vivre avec moins de 1000 euros par mois. C'est pour moi évident. Mais après, il y a une discussion sur ces questions. Voilà. Merci. Donc moi, c'était pour apporter mon témoignage et rebondir sur ce que tu disais. Et voilà quoi. Et donc je sais que, par exemple, au 18e, il y a eu une expérience de cité ouvrière, ce qu'on a appelé les cités fourriéristes. Et ils se sont aperçus d'un gros problème avec ces cités fourriéristes. C'était des cités d'ouvriers, hein, au 18e, hein, c'est vieux. Hein. C'était il y a plus de 150 ans. Et ces cités, le gros problème, ils se sont aperçus qu'il y avait un gros problème quand on mettait des ouvriers ensemble, ça générait de la délinquance. C'est-à-dire que depuis le 18e, ils savent que quand on met les mêmes personnes entre elles, ben voilà, des ouvriers, ça génère de la délinquance. Voilà. Donc c'est pour dire que bon, allez, ils ont continué à construire des cités aujourd'hui alors qu'ils savaient très bien que ça pouvait générer de la délinquance. Bon, ça c'était juste pour faire une remarque sur un truc que j'avais lu, quoi, comme par hasard sur les cités ouvrières du 18e. Ensuite, à propos, il y a un terme qui m'ennuie, c'est le terme bobo, quoi. Ce serait bien de le bannir de notre langage. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait là, avec la gentrification, avec la gentrification, avec ce que parlait Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire même ce que tu as parlé, on a fait en sorte qu'on a dégagé les gens des villes pour les mettre dans les banlieues, quoi. Voilà, en augmentant les loyers, ce qu'on appelle la gentrification, on appelle ça des bobos. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le truc des possédants, des riches, là, de la France d'en haut, là, ces gens-là, ces gens qui ont le pouvoir et qui nous gouvernent. Ce qu'ils ont le plus peur, c'est d'une alliance entre les classes moyennes et les pauvres. Et c'est ça, hein, les révolutions, c'est ça, hein, c'est des alliances entre les classes moyennes et les pauvres. Donc il faudra arrêter avec le terme bobo, ce serait bien, parce qu'en fait, c'est un terme qui nous divise. Et ils nous ont déjà divisés de façon spatiale. Donc ce serait bien d'arrêter avec ce terme bobo. Voilà, c'était une super remarque et importante. Je trouve, moi, les bobos, je les aime bien. Enfin bon, il n'y a pas de problème, j'habite à Saint-Denis. Et justement, comme j'habite à Saint-Denis, je voulais rebondir aussi. Pour corroborer ce que tu disais, apporter mon témoignage. Moi, il se trouve que, ouais, c'est dingue. On a une autoroute qui s'appelle l'A86 à Saint-Denis. Elle passe au-dessus des maisons, quoi. Elle nous pollue. Moi, j'habite entre l'A1 et l'A86. J'habite d'ailleurs dans un HLM. Tu parlais de bruit. On entend le mec du dessus qui pisse. On entend tous les bruits. Enfin, c'est vraiment hyper mal insonorisé. Évidemment, ça rend dingue. Évidemment, tu rentres de chez toi du boulot, en plus, t'as le bruit des voisins, t'as plein de gens qui travaillent pas, donc qui foutent le bordel la nuit. Enfin bon, voilà, c'est un drôle de monde quand même, les cités. Hein. Et voilà, c'était pour apporter mon témoignage à ce propos. Et je voulais parler justement de la 86. La 86, il se trouve que quand on sort du 93 et qu'on va dans le 92, parce que moi, à un moment, j'étais coursier, ça c'est aussi un métier de pauvre qui est très dur, où il y a des morts et tout, dont on parle pas assez, mais qui est un métier super dangereux puisqu'on est payé à la course. Bon, j'étais coursier, il se trouve que j'allais livrer les riches. Et là-bas, en 92, la 86, bah, elle passe sous terre. Elle passe sous terre dans le 92, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de problème de bruit et de pollution. Voilà, c'était juste pour corroborer ce que tu disais. Voilà, merci. Simplement mon accord total, et effectivement j'ai employé ce mot, je ne devrais pas l'employer, c'est la liaison entre les classes moyennes et les classes populaires qui est centrale, notamment dans la convergence politique et des luttes aujourd'hui. Bon, moi le terme bobo me dérange pas du tout, un bourgeois bohème. Je suis pauvre et je suis un bobo. Je m'habille en friperie depuis que j'ai 20 ans. Je m'habille en friperie et j'ai vêtements de marque qui me coûtent 5 euros. Non, à l'époque c'était des francs. J'achetais des chaussures à 10 francs. Enfin bref, et des bonnes chaussures en plus. Pour revenir à la définition du pauvre que vous nous avez donnée, j'ai juste une virgule, c'est que vous nous avez donné une définition que je n'ai pas. Pour moi, la seule misère, c'est la misère spirituelle. La seule pauvreté, c'est la pauvreté intellectuelle. Mais on peut inverser. La seule pauvreté, c'est la pauvreté intellectuelle, spirituelle. La seule misère, c'est la misère spirituelle. Ça veut dire que si tu n'as pas une ombre d'intelligence, une ombre de débrouillardise, voilà. Charles Ingaz, une petite maison dans la Paris, il n'était pas riche. Et c'est l'un des hommes les plus riches du monde, au niveau intellectuel, au niveau de la débrouillardise et du cœur. Donc la définition de la pauvreté dont vous avez donnée, elle me dérange un peu. Ensuite, Pour parler de la richesse, j'ai un ami chinois qui est venu en France faire des études. Je ne le connaissais pas, il est venu parce qu'il a travaillé, il a été livreur. En Chine, il est riche, parce que ses parents sont riches. Et ici, il a fait la livraison chez un copain à moi qui avait une crêperie. Et donc, comme moi, j'étais toujours là, un jour, il m'a regardé et puis il m'a dit « Malanjo, je suis jaloux de toi », avec son petit français. Je lui dis « Comment tu peux être jaloux de moi ?» Il me dit « Je suis jaloux de ta vie ». Il me dit « Je suis jaloux parce que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, et comme tu le décides. » Ah, je dis, ouais, mais tu sais que c'est dur, hein, je dois me battre contre des gens pour vivre comme ça. Il me dit, oui, mais moi en Chine, mes parents sont riches, l'entreprise, je sais laquelle, et le métier, je sais qu'est-ce que je dois faire. Donc, il n'a aucune liberté. Donc, vous, vous le prenez comme riche parce qu'il a de l'argent, mais lui, il se sent pauvre parce qu'il ne peut pas vivre comme il veut. Donc, en fait, lorsque on enlève aux êtres humains cette notion de pauvreté, de richesse, de savoir qu'est-ce que la vraie pauvreté, c'est de m'enlever ma capacité de me démerder, de vivre comme je veux, et mon intellectualisme de débrouillardise. C'est-à-dire que on invite les gens à l'école, on leur dit, lis des livres, lis des livres, lis des livres, ce sera intelligent, lis des livres. Moi, je fais le test dans le métro et je demande aux gens, est-ce que vous connaissez une seule personne qui est devenue intelligente en ayant lu un livre? Ça n'existe pas. C'est-à-dire, plus tu discuteras avec des gens, plus tu te poseras des questions, plus tu auras de rencontres différentes, plus tu auras des gens que tu connaîtras pas, et plus au lieu que l'autre, ce qui te dit, il te plaît pas, bah, tu argumenteras, tu diras, ah, bah, je suis pas d'accord avec toi. C'est ça qui va faire ta richesse, c'est ça qui va faire ton intelligence. C'est pas tu pourras lire tous les livres du monde, tu seras juste un mec qui aura pris des informations. Une machine à informer. Une machine d'information. Tant que tu n'auras pas mis en pratique, tant que tu n'auras pas analysé et contredit, tu ne seras juste qu'un outil d'information. C'est-à-dire que je peux lire un livre pour m'apprendre le pot-au-feu, bah, tant que j'aurais pas fait le pot-au-feu, je ne saurais pas faire le pot-au-feu. J'aurais la connaissance, mais je n'aurais pas le savoir. Et donc là, on est dans un système qui a commencé avec les livres religieux. Hein, le livre religieux, c'est le mec, il part, c'est le jésuite ou je sais pas quoi, il va dans un village au fin fond de la France ou en Afrique, il arrive avec son livre et il dit aux gens, vous voyez, notre Dieu d'amour, il nous a dit, il faut que le riche donne aux pauvres. Notre Dieu d'amour est un Dieu de partage et un Dieu qui n'aime pas la misère et un Dieu qui veut que l'empathie. Donc il faut que le riche partage avec le pauvre. Donc c'est très bien. Donc les villageois, là, les autochtones ou les indigènes, ils le regardent, ils disent, mais c'est magnifique que tu nous dis. Et donc ils gardent le livre du mec. Après le mec il s'en va. Avec l'or, les diamants, tout ce que tu veux, il s'en va. Mais lorsque les mecs sont dans le village, qu'ils soient français ou africains, qu'ils se retrouvent entre eux, qu'ils se regardent, ils disent, mais il y a un problème. C'est qui le riche et qui le pauvre? Ce ne sont pas des notions intellectuelles qu'ils avaient. C'est-à-dire, mis à part la pauvreté intellectuelle, il n'y avait aucune notion de richesse et de pauvreté. Donc, toutes ces conneries qu'on nous met dans la tête au niveau de l'État, au niveau de la connaissance religieuse, au niveau de l'école, ce sont des inventions pour nous pourrir et nous inventer des problèmes les uns les autres. Et donc, nous, on se bat pour avoir le droit de ne plus être pauvre, d'avoir une richesse monétaire, sans nous dire, mais est-ce que je me suis battu pour me construire le cerveau? Ça, jamais de la vie, parce que j'ai pas le temps. C'est pas le temps que je passe. Quand je prends le métro le matin, je parle pas au voisin ou à l'autre que j'ai rencontré dans le métro. Je vais au boulot, travailler, rentrer chez moi, prendre mon truc, machin, prendre des forces pour aller au boulot le lendemain. Mais mon cerveau, il a rien travaillé. Je suis devenu un automate. Donc, cette notion de pauvreté, et j'aimerais que les écologistes, ils en parlent, on pourra étudier toutes les notions d'écologistes. Ouais. Oui, mais je fais pas partie d'écologistes. Attends, et toute cette notion de pratique, des nouvelles recherches, des constructions de ceci, de cela, comment vivre. Mais d'abord, qui nous sommes? Qu'est-ce que tu es? Ton cerveau, il est fait de quoi? Qu'est-ce que tu vas construire et pourquoi? Et tant que tu n'as pas fait table rase de ta société, de ton vivre ensemble, de ce que tu es intégralement dans le système nerveux, tu pourras inventer tous les systèmes que tu veux. Ça changera rien, ce ne sera qu'un perpétuel recommencement. Il y a des gens qui cherchent la révolution. La révolution, c'est faire un tour sur soi-même et revenir au point de départ. Ça sert strictement à rien. Donc tant que tu n'auras pas pris la colère et la révolte, tu pourras faire autant de révolutions que tu veux, mais ça sera juste un tour en rond. Et donc ça, c'est vraiment une très grande problématique qu'on a dans cette questionnement de la richesse et de la pauvreté. Je voulais dire autre chose, mais ça, et j'ai oublié parce que c'est cela. Mais peut-être ça me reviendra ou autre. Mais vraiment, on doit vraiment revenir sur nous-mêmes, sur les notions, sur de quoi on discute et de quoi on parle. Parce que votre définition de la pauvreté, personnellement, chez les peuples anciens, je la connais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est lorsqu'on va chercher un enfant. Il n'était pas là, il a parlé de magie de Ranema. Lorsque tu vas chercher un enfant dans un village et que ce que tu vas lui enseigner, la première chose que tu vas lui enseigner, c'est pas à écrire et à compter, c'est apprendre à être. Avant d'apprendre à compter, avant d'apprendre les mathématiques et l'histoire, tu apprends à quelqu'un à être. Parce que c'est ça sa plus grande richesse, être. Et sa plus grande pauvreté, c'est de ne pas se connaître et de ne pas être. Et donc ça, faudrait qu'on se reconstruise. Je m'excuse, mais j'ai bien distingué la question de la pauvreté conviviale et de la pauvreté et de la simplicité volontaire de la misère. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que dans les sociétés, avant que l'Église arrive, et bien avant que les religieux arrivent avec leur Bible, et bien les gens vivaient comme des pauvres dignes et ne se posaient pas ces problèmes-là. Et le problème aujourd'hui, c'est que depuis le capitalisme, il y a une pauvreté constituée, notamment dans les villes, qui fait qu'il y a une misère matérielle qui empêche les pauvres de devenir dignes et qui les maintient dans une misère, y compris psychologique, c'est-à-dire que où ils ne peuvent plus s'organiser et se défendre. Et c'est un des gros problèmes avec cette différence entre misère matérielle, réelle, et pauvreté. Moi, je suis d'accord avec toi sur tel que tu définis la pauvreté, mais ça ne veut pas dire que la misère absolue n'existe pas, qu'on n'a pas le pouvoir de simplement nourrir ses enfants ou de se nourrir soi-même. Eh bien là, il y a un problème pour, y compris, s'organiser pour simplement prendre en main son destin. Merci. Tu te dépêches, s'il te plaît, pour ton message. Viens par là, parce qu'avec le haut-parleur, tu réussis, c'est une... Ouais, bonjour, moi je vais pas épiloguer pendant longtemps. Je vais juste vous dire que ouais, la misère elle est là pour l'instant. L'État veut nous diviser, on est tous dans la merde. Ils veulent tous nous monter les uns contre les autres par rapport aux religions et concilier, créer un conflit de conflits. Moi tout ce que je vous demande c'est d'être solidaire entre vous, parce que d'un jour à l'autre on peut tous être dans la merde. Et moi ce que je nous propose c'est de nous aider et pas de se laisser baiser par ce putain d'État qui veut créer le conflit d'insécurité. Voilà, c'est tout. Vivre avec son cœur, vivre avec les gens qu'on aime. Merci à toi. Viens par là, ce que tu as... Sinon, ça va nous... Ben, merci Patrick pour ta conférence. Et ça fait plaisir d'entendre parler de misère et d'écologie qui sont aujourd'hui des impensés, je pense, de la primaire. Les journalistes, quand ils interpellent les candidats, ne parlent jamais des problèmes de misère et d'écologie. Et pourtant, une valeur les unit, c'est la survie humaine et la survie de l'humanité. Alors moi, j'avais deux questions. La première, c'est... Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée du revenu de base et de l'écologie de libération. Parce que pour moi, le revenu de base, c'est une forme de libération du travail forcé vers le travail libre. Et je voulais savoir, par contre, sur la question de la limitation des revenus. Parce que le monde est fini et le désir est infini. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite des salaires et des richesses. Et donc, du coup, ça donne le sentiment aux gens qu'ils peuvent acheter à l'infini, quoi. Quelle est ta position sur cette question? Et puis, deuxième question, par rapport à la question de la mécanisation, de l'automatisation, dans la cité idéale qu'on appelle de nos voeux, moi, je vois deux options écologiques. Soit on va vers un retour vers la nature, où on abandonne toute la modernité, la technique, et on retourne à une vie directement naturelle, ou alors on utilise la technique pour se libérer du travail et pour aller vers une société entièrement mécanisée et robotisée. Alors, moi personnellement, je serais plutôt d'avis de celle-ci, d'utiliser la technique pour se libérer. Mais en même temps, parce que si on retourne à la nature, donc le revenu, comment tout le monde va travailler, donc on sait une régression. Voilà, quel est ton point de vue sur ce point-là? Alors, c'est deux questions qui sont importantes. La première, c'est qu'évidemment, je suis, enfin, que tous les écologistes et tous les gens sur cette place, j'espère, pour un revenu maximum. Hein, et ce revenu maximum, faut savoir qu'il y a quand même 40-50 ans, le revenu maximum, c'était, quelqu'un qui gagnait entre le SMIC et puis 20 fois ou 30 fois. Aujourd'hui, maintenant, c'est 1000 fois plus ou 100 ou 10 000 fois plus. Donc, moi, je propose de revenir à 12 fois le revenu minimum, enfin, faire un revenu maximum 12 fois plus fort que le revenu minimum, point, quoi. Hein. Après, on peut discuter du niveau, etc., mais évidemment, il faut un revenu maximum à partir du moment où on veut organiser un peu une sorte de régulation, simplement, entre les pauvres et les riches dans ce pays. La deuxième question, alors, elle a été au centre du débat sur de l'écologie sociale entre quelqu'un que je vous conseille de lire, si vous ne l'avez jamais lu, c'est un écologiste libertaire qui est un inventeur de l'écologie sociale, Murray Bookchin, dont d'ailleurs qui est mort aujourd'hui et dont sur la place on a reçu sa compagne Janet Bill en mai. Et lui, il était partisan des technologies libératrices et émancipatrices par rapport à, par exemple, à des écologistes importants comme Jacques Ellul qui sont contre le recours aux techniques. Et c'est un vrai débat. Et je pense qu'il peut y avoir, par exemple, si on prend, moi j'ai eu l'expérience dans les radios libres. Avant, les radios libres, c'était des radios qui étaient, enfin pas les radios libres, mais les radios dans les années 60 qui étaient aux mains uniquement de l'État et de grandes compagnies. Et puis à un moment donné, comme les technologies sont devenues des technologies, on a pu s'emparer et on a fait, à un moment donné, dans le mouvement des radios libres, des radios de pauvres, quoi. Hein, on a émis dans des cités de transit, on a émis pour des prisonniers, etc., etc. Bon, ça prouve qu'une technologie, elle n'est pas a priori, éventuellement, contre l'émancipation. Mais souvent, aujourd'hui, parce qu'elles sont contrôlées par les GAFA notamment, hein, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, etc., eh bien, elles sont de moins en moins émancipatrices et qu'il faut effectivement s'organiser pour les réapproprier et pour essayer d'en tirer. Alors après, ce que la question plus importante encore que tu poses, est-ce qu'on doit revenir vers la nature, etc. Moi, je c'est pas que je suis pour ou contre, c'est que je pense qu'on est arrivé à un niveau d'artificialisation du monde où c'est aujourd'hui de fait impossible. Donc il faut par exemple dans les villes, il est possible de construire des espaces de écologiques communs, verts, etc., de plus en plus importants, mais on supprimera pas les villes. On est rentré dans un univers où ça serait ou alors on serait dans une utopie de type Khmer Rouge, hein. Ils ont essayé d'ailleurs, ils ont vidé la ville de Phnom Penh et toutes les grandes villes du Cambodge pour revenir dans une utopie meurtrière à la nature. Donc ça c'est concevable, mais d'une façon hyper autoritaire, tyrannique, que moi je refuse. Donc je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a en se réappropriant le local. Je pense que ce qui est en cours, par exemple à Barcelone, à Madrid, à travers les exemples, où des nuits debout, où les indignés, et ensuite les mouvements comme Podemos, mais au niveau local, pas au niveau national, se sont réappropriés à partir des luttes des gens, les espaces locaux, et ont commencé à créer autre chose, y compris au niveau écologique. Oui. D'abord, merci beaucoup parce que j'avais jamais pensé la pauvreté comme le lieu à partir duquel s'est développé ces aspects écologiques, alors que ça me semble une évidence quand vous l'avez dit. Bon. Quand on parlait tout à l'heure de la misère qui entrait finalement tout à fait dans le capitalisme, notamment par la pollution, etc. Et vous avez parlé aussi de l'invisibilité, mais il me semble qu'il y a un autre aspect que vous n'avez pas forcément développé, qui est aussi toute la façon dont le capitalisme utilise l'exclusion pour faire peur à l'intérieur. C'est-à-dire que du coup, la misère en restant, c'est une forme un petit peu obscure, pas trop visible, qu'on définit pas, mais qu'on continue un petit peu à entretenir. Du coup, il y a cette peur dans le chômage, par exemple. Et il y a toujours le risque d'être en dessous, encore en dessous de la limite de la société. Et la misère, du coup, c'était comme ce bord qu'on voit pas trop, mais on sait très bien qu'il est là. Et ça, du coup, ça a une grande force idéologique. Et oui, après j'avais autre chose, mais je me demandais, parce que j'ai eu une réflexion il n'y a pas très longtemps, qui était comment est-ce qu'on a pu faire en sorte que des personnes puissent mourir de faim à côté d'autres qui prennent un café à 2 euros. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a pu produire dans les mentalités pour en arriver là? Et c'est là où vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui il y a un maintien dans la misère psychologique, et je me disais même, enfin je sais pas, on doit rentrer dans une espèce de chape de soumission psychologique, enfin tellement puissante, qu'il n'y a même pas besoin de CRS pour dire, tu vas pas demander au monsieur qui est là-bas quand même, qui te donne un petit peu à boire. Non, c'est tellement puissant et ancré dans nos esprits, qu'il peut y avoir quelqu'un qui est en train de mourir de faim à côté d'un autre qui... Et quand je me suis rendu compte de ça, encore une fois, c'est une évidence, mais tout d'un coup, ça me semble absolument incroyable. C'est fou comme la société peut vraiment produire des choses dans les esprits qui ont mis des années et des années à se construire. Hein, c'est pas d'hier, hein, c'est... Enfin, voilà. Merci Adèle, réponse directe. Je crois que c'est pas nouveau, hein. Je crois que c'est la Boétie qui a écrit un livre génial au Moyen-Âge qui s'appelle de la servitude volontaire. Donc c'est effectivement, mais aujourd'hui c'est vrai que le capitalisme a totalement développé ce fait que nous-mêmes intégrons tous les schémas de l'individualisme, de la concurrence, de la compétition entre les êtres humains, et que y compris ce qu'on fait sur cette place, c'est justement pour se libérer de ça. Et je pense que c'est le premier enseignement Nuit Debout. Donc je suis tout à fait d'accord sur la question de l'exclusion, y compris par la peur. C'est important. Et là aussi, je pense que l'écologie, de fait, a une réponse à cette question. C'est un peu ce que j'appelle les 3 P. Finalement, l'écologie, elle est faite pour elle a inventé aussi le principe de précaution, les politiques de prévention et finalement la protection et la paix. Et donc, si on n'en revient pas à cela pour se battre contre les politiques de la peur qui sont engendrées directement par le capitalisme et ses outils, eh bien là, on est en dessous de tout, quoi. C'est-à-dire que, au contraire, il faut dire, c'est pas, enfin, on croit que c'est aussi une idée fausse sur l'écologie. L'écologie, elle insécuriserait les gens, elle serait un développeur de risques, etc. Alors que le principe de précaution, c'est un moyen. Par exemple, il est combattu en ce moment par la droite et par la gauche gouvernementale pour essayer qu'on l'enlève de la Constitution. Hein. Il avait été imposé par Nicolas Hulot, Jacques Chirac, etc. C'est une bonne chose qu'il soit y passé. Maintenant, ils veulent l'enlever et le remplacer par ce qu'ils appellent le principe d'innovation. Et en fait, le principe d'innovation, c'est en gros la loi de la jungle. C'est on fait ce qu'on veut dans les boîtes et c'est la loi de travail généralisée. Et ça, c'est un véritable enjeu. Donc, contre les politiques de la peur, la question de la précaution, de la prévention, par exemple la prévention, pas simplement vis-à-vis des pesticides ou ça, mais aussi la prévention des conflits. Hein, les conflits, on peut les prévoir. Hein, les prévoir les conflits aujourd'hui, c'est prévoir que tout le monde puisse avoir accès à l'eau pour prévenir les guerres contre les guerres de l'eau ou les guerres du climat, etc. Donc tout ça, c'est important. Et je crois que effectivement, la question de la lutte contre l'exclusion et la lutte contre la peur est une tâche importante, mais aussi pour les écolos. Merci. Ouais. Et fais très rapidement, s'il te plaît. Très rapidement. Ah bon? Mais je voulais pas griller un tour de parole. Je demandais s'il y avait quelqu'un avant. Il y avait quelqu'un, mais après c'est le dernier. Sylvain, tu fais le dernier, dernière intervention. Après, faut qu'on passe à l'autre. Excuse-moi, Camille. Je savais même pas que c'était moi qui devais parler en plus. Juste, ouais. Effectivement, je voilà. Je vous rejoins tout à fait sur le. Je te rejoins. Je vais te tutoyer, c'est mieux. Sur le fait qu'on crée de la pauvreté. Effectivement, il y a de la pauvreté matérielle et la pauvreté entre guillemets intellectuelle. C'est deux choses bien différentes. On a parlé tout à l'heure. Quelqu'un nous a cité des exemples d'une cité à Saint-Denis, mais la pauvreté, vous l'avez aussi dans les villages, dans les moyennes villes et dans quelque chose qu'on ne parle jamais, c'est-à-dire qu'on souvent on parle des villes, des cités ou des quartiers populaires et des villages. Mais entre les deux, il y a des gens qui vivent aussi. Il y a des gens, il y a des, quand vous avez des villes à proximité où il se passe pas grand chose, ces gens-là, on en parle que très très peu, ou alors à travers des faits divers dans les journaux qu'on connaît tous par cœur et dont on a horreur. Mais je vais prendre un exemple. Pendant très longtemps, je suis allé dans le sud de la France, dans un village où habitait quelqu'un qui m'est très cher. Et on arrivait avec une voiture qui était immatriculée 93. Et la réaction des gens là-bas, c'était « Ouais, le 93, c'est chaud, il y a des voitures qui brûlent, qu'est-ce qui se passe, comment vous faites pour vivre là-bas, etc. » Parce qu'ils avaient une vision du 93 qu'ils voyaient au trésor de Jean-Pierre Pernaut. Et en fait, quand on leur disait, mais non, en fait, pas du tout, ça va, enfin, voilà, le 93, moi j'y vis tranquille, je me sens pas forcément en insécurité, et tout va bien. Et c'est là où on voit qu'effectivement, il y a un problème d'information, il y a un problème de méconnaissance à l'autre, et surtout, ce problème-là, c'était plus parce que là-bas, ils n'ont pas accès à toutes ces informations. Il n'y a pas longtemps, je disais ici même qu'au lieu de faire des stades de foot ou des stades de rugby ou des stades de spectacle, alors qu'il y en a déjà X millions en région parisienne, faites des bibliothèques, ouvrez des espaces ouverts où on puisse discuter, comme ici sur la place de la République, et le savoir, il sera transmis. Mais et là, effectivement, ça créera une autre sorte de richesse. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et on le dit souvent ici aussi, mais je voulais le souligner, c'est que l'individualisme aussi, c'est un repli sur soi. Et un repli sur soi, du coup, ça, c'est une espèce de régression. Et pour moi, c'est de la pauvreté aussi. Parce que on a des gens, par exemple, maintenant, les ouvriers qui font une tâche. Quelqu'un parlait tout à l'heure de robots. Malheureusement, on n'est pas très loin de la vérité, ou c'est presque ça. C'est quasiment ça. Et les gens font abstraction. Et après, le soir, ils rentrent chez eux, et ils ont accès à des choses, mais ils ont accès à quoi? Quand on voit que c'est Cyril Hanouna qui bat des records d'audience, franchement, ça fait mal au cœur, quoi. C'est de la merde, ce truc. Énergie 12, c'est de la merde aussi en boîte. TF1, mais c'est exactement la même chose. Enfin, je pourrais te citer quasiment toutes les chaînes, de toute manière. Donc, je vais m'en arrêter là. Mais c'est difficile. Et pour faire le lien avec l'écologie, dans ces villages qui sont très isolés, on perd aussi cette culture de la terre. Que nous des recherches, des choses qu'on fait ensemble, en expérimentant plus le fait qu'on fait ensemble que ce que ça veut dire à la limite. Pour résoudre ce problème de communication qu'on a entre nous, il faut bien qu'on essaye des solutions. Et là, EducPop a proposé des ateliers comme ça, par le biais d'une activité. Et on peut pas préjuger maintenant de savoir si ça va être efficace ou pas, si ça va fonctionner ou pas. Et c'est juste en essayant. Et on peut constater que ça nous a permis, même si c'est simplement par le biais de l'humour, de remettre en cause certaines...